François Grégoire au microphone de CKRL 89.1 et nous terminons cette édition de Futur Simple avec une question qui devrait intéresser les amateurs de bon vin. Pourrons-nous bientôt déguster un château Pétrus de Gaspé ou un Moët & Chandon de Roberval? Avec les changements climatiques, la question se pose et c'est Marie-France Sottil qui va y répondre. Bonjour Marie-France. Bonjour François. Alors, fabriquer du bon vin dépend de bien des facteurs, on s'en doute, mais les producteurs s'entendent pour dire que le climat, c'est l'enjeu majeur. Et celui du Québec, avec sa grande variabilité, représente un cauchemar pour les vignerons. En fait, ils sont contraints de planter des vignes hybrides ou indigènes, c'est-à-dire robustes, parce qu'on a des hivers froids et des étés courts, qu'on a des gels tardifs, que nos précipitations sont irrégulières. Bref, ils affrontent énormément de contraintes. Et les cépages qui sont capables de résister à ces conditions, ils ne peuvent pas développer les propriétés qu'on appelle organoleptiques des grands vins, les propriétés de goût, d'odeur et d'apparence. Alors, au Québec, on n'est pas rien que né pour un petit pain, on est aussi né pour un petit vin. Mais au moins, ça s'harmonise bien. Mais blague à part, Marie-France, quelles seraient les conditions nécessaires pour faire croître des cépages plus raffinés au Québec? Selon les experts viticoles, il faudrait d'abord des cépages à maturation précoce, comme Pinot Noir, Merlot, Chardonnay. Mais en plus, il faudrait certaines conditions très précises. Là, si on s'attarde seulement au climat, là, une saison sans gel de plus de 180 jours par an. Ça veut dire qu'on a des étés longs ou des printemps hâtifs et des automnes tardifs. Parce que c'est la moitié de l'année. Oui, énormément. On a, à cause de cette saison sans gel, on pourrait avoir des bourgeons qui éclosent au printemps sans risque d'être atrophiés par un gel tardif. Là, c'est vraiment capital pour la récolte. Et en ce moment, cette condition-là est respectée seulement dans l'extrême sud de la province. Okay. Puis ça n'arrive pas tous les ans. OK. Une autre des conditions climatiques, c'est minimum 1250 jours, degrés-jours de croissance. Ça veut dire ça? Des degrés-jours de croissance, c'est toutes les températures au-dessus de 5 degrés C, mais qu'on additionne d'une journée à l'autre. C'est-à-dire, par exemple, si elle fait 12 aujourd'hui... 12 moins 5, ça fait 7. On aurait cumulé 7 degrés-jours. Et on fait le total entre le 1er avril et le 31 octobre. Puis ça sert à établir si les fruits vont atteindre la maturation, si le taux de sucre va être suffisant à l'intérieur. Et est-ce qu'on score beaucoup à ce niveau-là? Pour l'instant, il y a seulement en Montérégie où on peut atteindre le 1250 en question. Enfin, là où le bas blesse, c'est-à-dire la condition la plus difficile à rencontrer, c'est les extrêmes froids. C'est-à-dire nos hivers, c'est pas rare qu'on a des moins 20. Par exemple, à Bordeaux, qui est à la même latitude que Montréal, donc Montréal, en principe, pourrait avoir des conditions viticoles intéressantes, bien, à Bordeaux, il ne gèle presque jamais. OK. À Montréal, c'est pas le cas. C'est ça. Alors, pour éviter la mort du plant, il ne faut pas des extrêmes froids. Et puis, en ce moment, le seuil qu'il ne faudrait pas jamais dépasser, c'est moins 22, puis ça, on l'atteint dans aucune région du Québec. Alors, même si on remplissait ces critères que je viens d'énumérer, les conditions climatiques nécessaires pour cultiver les cépages nobles donneraient un rendement médiocre. Rien de moins. Oui, c'est ça. Il faudrait, en fait, le critère du moins 22, ramener ça plutôt à moins 17. Puis même à moins 17, il faudrait protéger les plants. Et ce seuil semble pratiquement impossible à respecter ici. Est-ce que les changements climatiques permettraient de nous en approcher à tout le moins? Bon, c'est là que Uranos entre en jeu, c'est-à-dire le consortium de recherche à Montréal là, sur la climatologie régionale et l'adaptation au changement climatique. Okay. Ils ont fait des calculs avec les modèles dont Samuel parlait il n'y a pas si longtemps. Alors, nos hivers s'annoncent beaucoup plus cléments. Et là, on parle de l'horizon 2050 à peu près. Okay. Alors, une hausse des températures moyennes, ça c'est pour l'hiver au complet, mais aussi des extrêmes froids moins prononcés et moins fréquents. Okay. Première bonne nouvelle. En plus, pour le milieu du siècle, on anticipe un allongement de la saison de croissance et puis de la saison sans gel, des critères énumérés tout à l'heure. En plus, on pourrait étendre considérablement la zone qui est propice à la viticulture. En ce moment, c'est surtout la Montérégie. Parce qu'elle est très au sud, c'est ça? C'est ça. La Montérégie pourrait accueillir des cépages nobles, mais on pourrait peut-être voir des cépages hybrides beaucoup plus loin que là. Okay. C'est-à-dire en Estrie, en Outaouais, dans la vallée du fleuve, jusqu'au Bas-Saint-Laurent. OK. Uh-huh. Et puis, si on s'éloigne dans le temps, c'est-à-dire si on fait l'hypothèse que les changements climatiques vont s'intensifier, ce qui n'est pas une grosse hypothèse, à partir de 2065, on pourrait même voir des variétés hybrides pousser autour du Saguenay, sur les côtes de la Gaspésie, puis dans une partie du Témiscamingue. Eh là là! Est-ce qu'on peut vraiment se fier à ces projections climatiques, Marie-France? Comme on en a parlé un petit peu plus tôt avec Samuel, il y a évidemment des incertitudes autour de ça, même si on s'applique à faire rigoureusement toutes les étapes. Parce que, d'abord, la météo a une nature chaotique, imprévisible, non linéaire. Okay. De sorte que chaque fois qu'on fait une simulation avec un même modèle, on n'obtient pas tout à fait la même réponse. Okay. Et puis, okay. Si on change de modèle, parce qu'il y en a une trentaine dans le monde à peu près, ben on obtient d'autant plus de réponses différentes, de sorte qu'on a des palettes de futurs possibles. Okay. Et la bonne réponse se situe là-dedans. Okay. Et tout ce qu'on peut faire de mieux avec ça, c'est des probabilités d'occurrence. Okay. Plus ils convergent vers une réponse, plus on se dit on a des chances que la vérité soit là. Okay. Donc, l'incertitude en question, on en tient compte quand on interprète les résultats. Puis, l'autre marge d'incertitude, c'est-à-dire l'autre endroit où on ne peut pas préciser les modèles, les sorties de modèles plus que ça, c'est dans les émissions de gaz à effet de serre. Parce que ce qui fait que le climat se réchauffe, c'est la quantité de CO2 qu'on a dans l'atmosphère. Puis cette quantité-là, ben, elle dépend de la démographie, de l'économie, des politiques de réduction que les gouvernements appliquent. Ça dépend aussi des technologies qu'on va développer. Ça, c'est encore plus difficile à prévoir. Alors, là encore, on a une espèce de palette de scénarios. Des plus pessimistes aux plus optimistes. Uh-huh. Et on se dit, les climats résultants, ils sont tous plausibles. Ce sera un de ceux-là. OK. Mais en admettant que les calculs disent vrai, il me semble que le rendement des vignes dépend de bien d'autres paramètres aussi, pas seulement de la météo, non? Tu as tout à fait raison. Et puis, dans l'étude d'Ouranos, on a tenu compte seulement du climat. Uh-huh. Mais il y a aussi, dans le climat, les températures extrêmes chaudes qu'on aurait pu mettre un critère dessus, là, qui influence les vignes, les vents violents, le couvert de neige, les heures d'ensoleillement, les redoux hivernaux qui pourraient avoir une incidence importante, les pluies potentielles, c'est qui peuvent lessiver les bourgeons ou, ou le terrain. Uh-huh. Alors, le succès là, d'une récolte, ça dépend aussi du type de sol, du drainage, de l'orientation par rapport au sol. En tout cas, il y a plein d'autres facteurs et c'est ce qui fait que les résultats que je vous ai donnés tout à l'heure, ben ils sont à prendre avec une certaine réserve, disons. Puis bon, même en tenant compte là de l'incertitude et puis des approximations, on peut dire que c'est quand même une tendance lourde là, qui est vraiment déjà observée sur le terrain. Et puis, il y a des viticulteurs qui n'ont pas attendu les résultats des simulateurs pour commencer à faire des essais. Okay. On dit qu'en Montérégie, on a commencé à cultiver du chardonnay, du pinot noir et du vitis vinifera. Là, c'est un des cépages européens. Et puis, la production est encore à petite échelle, mais elle réussit. Avec beaucoup de soin, là, il y en a qui mettent des éléments chauffants au pied des vignes l'hiver, ou qui les mettent sous des espèces de serres, ou bien qui enfouissent les vignes. Oui, oui. Donc, il faut encore, je dirais, lutter contre le climat pour faire pousser des raisins ici. Est-ce que les viticulteurs pensent progressivement peut-être changer de vigne ou... Je dirais que ça, c'est peut-être pas une question climatique, mais une question de marché. C'est-à-dire que ça dépend du prix du vin, ça dépend du goût de la clientèle, des quantités produites, puis de l'horizon visé. Avec nos vignes robustes, on pourra jamais réaliser des grands crus, mais on pourrait au moins améliorer notre qualité. Mmh. On pourrait se distinguer des autres vins offerts. Puis c'est d'ailleurs le point de vue du vigneron de l'Orpailleur, M. Charles-Henri Coussergue, qui dit on n'a pas avantage à compétitionner d'autres pinots noirs établis. Hein? On devrait développer, peaufiner nos propres plants puis se différencier. Et puis, il faisait remarquer aussi que la vigne, c'est pas juste faire pousser quelque chose puis récolter des raisins, c'est de sélectionner les plants, les meilleurs, d'année en année, de génération en génération. Et les Européens ont des centaines d'années d'avance. Là, ouais, c'est un fait, nous, on est à la 2e, 3e génération. C'est un fait. Donc, il faut se donner le temps aussi de cultiver nos vignes, même hybrides, elles peuvent devenir meilleures. Effectivement. Alors, à suivre et surtout à déguster. Merci beaucoup, Marie-France. Salut, François.